Voilà, c'est l'intempestive. C'est l'intempestive et on poursuit aujourd'hui l'histoire des radios libres en s'intéressant à celle de Canal Sud, une radio qui émet sur le 92.2 à Toulouse. On commence par parler avec Chantal, qui évoque les débuts pirates de la radio à un moment où elle s'appelait encore Barbe Rouge. Et puis ensuite, Bernard et un animateur de l'émission anticarcérale Brutto nous rejoignent pour discuter des débuts de Canal Sud et de son organisation. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être au départ? Oui, moi, Chantal, je participe à la radio Canal Sud depuis de très nombreuses années. Actuellement, avec une équipe, je fais une émission qui s'appelle Bruit de tôle. Qu'on écoute en rediffusion et qui est une émission autour de l'enfermement, la prison, mais pas que la prison. Et bien sûr pour dénoncer cette méthode de gestion des êtres humains qu'a cette société. D'accord, c'est une émission qui existe depuis les débuts de Canal Sud ? Non, non, là on l'a montée, ça fait 4 ans. 4 ans ? Voilà, avant moi j'ai fait des émissions féministes, je me suis greffée, il y en a qui existaient, et puis c'est pareil, elles ont disparu. Maintenant, il y en a une qui se fait, qui s'appelle Voyelle, auquel je ne suis pas. Ça tourne, les gens changent. Et j'ai toujours participé, fait des émissions, après des émissions aussi culturelles, un peu plus dérange-ménage, quoi. Un peu aussi dans, comme le ton de Canal Sud, c'est-à-dire essayer des textes pas si évidents, des choses qui font poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette musique? On dirait pas de la musique. Qu'est-ce que c'est que ces textes? Qu'est-ce qu'ils racontent? Voilà. Et ça, bon, avec le groupe Audradec et avec la personne qui expose là, je travaillais aussi ça. Donc on a fait des émissions qui s'appelaient Encre Noire, qui s'appelaient... Voilà. Mais on a fait aussi une émission par rapport à l'immigration qui s'appelait Marteau Piqueur, le dimanche après-midi. Enfin, ça, c'était collectif. J'ai participé à plein de choses. Quoi. Voilà, donc je... Et après aussi, j'ai été... alors, je me rappelle plus à partir de quand... dans le conseil d'administration de Canal Sud, le bureau de Canal Sud, et voilà. Et je l'ai fait pendant, disons, régulièrement 10 ans, et puis après, voilà, je pensais que c'est bien que ça tourne. Et toi, tu as été aussi, alors, dans la radio, dans une radio pirate qui s'appelait Barbe Rouge. Voilà, de toute façon, Canal Sud est issu de Barbe Rouge, directement. C'est les mêmes qui géraient Barbe Rouge, qui, lorsque la radio a été... légalisé, on dit bon ben on est plus des pirates, ils sont transformés, etc. quoi. Mais c'est bien une continuité, c'est pas du tout deux radios différentes, c'est une continuité. D'accord, c'est au moment de la légalisation que la radio a changé de nom. A changé de nom, voilà, puisqu'elle n'était plus pirate, et que Barbe Rouge était un pirate. D'accord. Voilà. Tu peux nous parler un peu de Barbe Rouge, quand ça s'est créé, voilà. Aux environs de quand... Moi je vais parler de mes souvenirs quand je suis arrivée sur Toulouse. Je militais dans une association écolo, machin, qui s'appelait le Comité de défense des berges de la Garonne. Et la première émission radio libre pendant quelques heures s'est faite, devait se faire, je ne sais pas si ça, vraiment ça s'est bien réalisé, à la première fête des berges. Cette fête des berges était une fête interdite, militante, qui luttait contre un projet d'urbanisme. Bon. Donc moi, j'ai... Quoi, si tu peux définir le projet d'urbanisme, c'était de faire une rocade au bord de la Garonne, comme à Paris, sur les bords de la Seine. On a bagarré pendant 10 ans, c'était Baudispère, après ça a été le maire Baudisfils, je crois, et en fait le projet a été abandonné au bout de 10 ans, et maintenant c'est l'inverse, puisque la ville se regorge d'avoir de magnifiques berges avec de la pelouse, de belles allées, et fait de la spéculation immobilière au-dessus. Donc comme quoi les luttes peuvent, même si elles réussissent, dans ce système-là, ne pas changer grand-chose, voilà. Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave, c'était une lutte intéressante. Et à l'époque, justement, Barbe Rouge, cette radio pirate, eh bien, on était assez en lien avec tout ce qui pouvait être en lutte. Alors, les locaux de la radio Barbe Rouge étaient clandestins, mais ils étaient dans la rue Saint-Rome, qui est une rue piétonne, hein, au dernier étage. Et en fait, c'était un local associatif qui s'appelait Adèle. Alors, Adèle, c'était déjà encore les jeux de mots, A-D-E-L-E, ça voulait dire plein de choses, hein. Je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais ce n'est pas grave. Et là, il y avait du théâtre, de la danse, des écolos, plein d'associations. Puis au fond, une toute petite pièce, et qui était la radio. Et là, l'aventure s'est terminée sur le local, puisque un groupe inconnu, signé La Mangouste, a mis le feu à ce local, visant quand même la radio, on pense. Voilà. Et comme c'était 80-81, et que ça s'est libéré, l'équipe a trouvé ce local où on est encore, et on est toujours, et c'était un réfugié espagnol qui savait qu'il louait à des militants, et qui l'a fait d'un geste militant, à un prix de loyer qui, à l'époque, et dans ce quartier, était vraiment intéressant, quoi. Et il le reste toujours, puisque... C'est intéressant de savoir que lorsqu'il est décédé, sa veuve a dit « je respecte les volontés de mon mari » et que les descendants ont dit « mais il n'y a pas de raison, voilà, vous êtes là ». Et Canal Sud, radio militante, peut-être dérangeante et qui s'arrange avec personne, eh bien, reste dans ses locaux. Voilà. En centre-ville, c'est assez rare, il y a très peu de... Parce qu'on n'est pas loin de centre-ville, surtout avec les métros maintenant, voilà. Est-ce que tu te rappelles d'autres émissions qu'il y avait sur Barbe Rouge ? Quoi, donc, c'était une émission un peu écolo que tu avais dessus ? C'était des interventions, en fait. Il y avait des gens qui... Bah, d'abord, c'était par intermittent, c'était pas 24 heures sur 24. Le relais émetteur était planqué à la campagne et gardé, jour et nuit, par des nanas, souvent. Et les mecs avaient le micro, on courait avec la voiture, poursuivis par les flics. C'était souvent des reportages du direct, quoi. Il n'y a pas eu, à part dans ces locaux là où je parle, en effet, où il y avait de telle heure, mais comme des émissions magazines, et donc étaient invités les associations ou les gens militants. C'est comme ça que moi, je n'ai pas fait une émission, mais j'ai participé. Et voilà. Et il y avait combien de personnes qui se mobilisaient autour de ces interventions sur Barbe Rouge ? Je ne sais pas, parce que quand ça allait mal, on pouvait se trouver 20, et puis quand ça fonctionnait, c'était en dessous de 10. Hein. Voilà. Je sais qu'ici, quand on est arrivé ici, on a gardé, ils avaient gardé précieusement comme des reliques les scellés, parce que l'émetteur a été saisi je ne sais combien de fois avec des scellés, il a été revolé, repris. Et après, il y avait aussi Solidarité, c'est que quand Canal Sud avait un émetteur et puis qu'une autre radio ailleurs, je ne sais pas où, se faisait voler son émetteur, tac, on leur en renvoyait un. Enfin, il y avait aussi des liens, tout de suite, des liens avec d'autres radios. L'aventure des radios libres n'est pas une petite aventure locale. C'était vraiment une aventure politique et qui se voyait, mais même internationale, je dirais pas nationale, je pense que c'était un peu partout. Les gens communiquaient entre eux. Et c'était, tu te rappelles, tu disais que c'était une radio plus d'intervention, Barbe Rouge. Tu te rappelles, à part la lutte dont tu viens de parler sur Le nucléaire, il y avait le nucléaire à Toulouse. Hein. Ça, contre Golfech, il y avait une sacrée lutte. Hein. Donc, en fait, c'est ça, c'était vraiment lié et accompagnant des luttes. Et je pense qu'il y en avait d'autres. Mais disons qu'on, je pense qu'on, comme il n'y a pas eu de rupture, on les a retrouvés après dans la radio Canal Sud. Toutes ces expressions-là. Il y a beaucoup de gens de Barbe Rouge qui sont restés sur Canal Sud ensuite ou... Non. Ensuite, oui, au début, oui, quelques-uns quand même, mais deux, trois. Et puis voilà, les gens ont fait soit d'autres choix. Mais même à l'intérieur de la radio, il y a eu des choix. Alors, je ne sais pas si on pourra en parler aussi avec Bernard. Parce qu'on est resté la radio, une radio associative qui est vraiment gérée par un CA le principe que tout le monde peut accéder à cet outil. Donc toute personne qui veut faire une émission, alors il y a une charte de Canal Sud, etc. et tout, et puis il y a une écoute collective et la personne est cooptée ou pas, mais il n'y a aucun interdit. Et c'est vrai que c'est pas, le résultat n'est pas nickel, on ne maîtrise pas tout, etc. Donc ça, c'est un choix. À un moment donné, il y a eu des équipes qui pouvaient peut-être dire on va faire rester une équipe restreinte, mais faire vraiment la radio qu'on veut. Et ben, c'est pas ce choix-là qui a été fait, c'est de dire on reste l'outil radio libre, le principe de la radio libre. Et tous ceux qui font des émissions ici respectent au moins un principe, c'est qu'ils disent des choses qui les passionnent, même si ça ne passionne pas tous les auditeurs, donc on n'écoute pas 24h sur 24 Canal Sud, voilà, c'est ça. Mais les gens ne parlent pas au nom de quelqu'un, ne font pas un créneau en disant « tiens, je vais faire ça », ne se spécialisent. C'est leur quelque chose qui les concerne. Alors à tous les titres, quand c'est de la musique, quand c'est politique, mais c'est des gens impliqués, quoi. D'accord. Et ça, moi, je trouve que c'est très important qu'on ait gardé ça. Et c'était quand même le départ des radios libres, hein. C'est-à-dire quelque chose quand même assez en opposition avec les autres radios. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de radios qui sont transformées en « on fait aussi bien que les grands, enfin, ou que les professionnels ». Et moi, je pense que ça veut dire faire aussi mal, quoi, parce que si ça fait la même chose, c'est pas la peine. Surtout si c'est pour être bénévole, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y avait d'autres radios libres à Toulouse à l'époque des radios pirates, ou est-ce qu'il n'y avait que Barbe Rouge ? Non, au début, il n'y avait que Barbe Rouge. Il y en avait, par contre, il y avait des contacts avec, dans le Tarn, il y avait des essais déjà des plus petites, mais il y en avait, hein, qui sont transformées, je pense, certaines en radio associative. Hein, sur l'Aveyron, dans les départements limitrophes, il y en avait, quoi. Et vous avez travaillé avec d'autres radios quand vous étiez justement soit à Barberouge, soit au début de Canal Sud ? Je sais pas. Au début de Canal Sud, on a toujours été, et on était à la Confédération nationale des radios libres, on était des gens assez, on était pour ça, très actifs, et à vouloir échanger, et à vouloir qu'avance une certaine idée, mais on s'est fait quand même bien manger par la légalisation. C'est-à-dire ? L'autorisation des radios libres s'est faite donc avec une législation et une légalisation. Et donc il a fallu remplir des dossiers, puis il a fallu demander, puis il a fallu se faire accréditer, puis il a fallu ceci, cela. Et donc on est à la merci quand même de l'institution. Donc on a perdu, il y a un caractère politique ou militant des radios qui s'est perdu avec cette légalisation. Disons que beaucoup de radios l'ont perdu. Moi, je pense que, comme partout, même dans la grosse machine, il y a toujours des espaces de liberté. Et nous, on ne peut pas nous interdire de fonctionner comme on fonctionne. On ne peut pas nous interdire. Nous, on n'a pas de deal avec les élus du coin. On veut rester autonome, etc. Mais notre autonomie, elle est quand même à la merci de... d'un financement, de tout cela. Mais c'est vrai que, en plus, au départ, il y a eu comme un chantage. Quand on vous légalise, mais il faut que vous justifiez que de votre existence. Et bon, c'est vrai que Canal Sud n'a pas eu de mal à faire un magnifique dossier, parce qu'on était quand même très, très en lien avec le milieu culturel, le milieu politique, le milieu alternatif. Donc il y avait plein de choses, quoi. Donc le dossier a été vite étoffé, quoi. Il y a Bernard qui arrive. Toi, t'es arrivé au tout début de Canal Sud, Bernard ? Non, vers 85. Vers 85. Canal Sud, c'est quelle année ? 82, le dépôt, mais 81, c'est pareil. Ouais, hein, c'est pas du ça. C'est au même moment que la légalisation, quoi. D'accord. Et du coup, à la création de Canal Sud, donc il y a eu un des trucs que disait le gouvernement à l'époque pour légaliser une station, c'est de dire, bon, il faut qu'il y ait une grille structurée, il faut que vous émettiez tant d'heures, que vous engagez à émettre tant d'heures par semaine et tout. Et si Barberouge était une radio plus d'intervention, comme tu disais, comment est-ce que vous avez fait au tout début pour structurer la grille de Canal Sud et réussir à émettre de manière régulière, quoi ? Il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait du monde. Hein. On est quand même sur une ville comme Toulouse. Après, il y avait des gens qui sont passés de Barberouge et qui sont restés et qui faisaient des émissions longues, qui étaient investis. Ouais. Hein. Enfin, quand je suis arrivé, la grille était quand même assez vide. Hein. Oui. Puisqu'on est rentré très facilement. C'est vrai que pas il n'y avait pas tant de monde que ça. Hein, après, vers 85-86, il y a eu certainement un trou, quoi. Oui, parce que c'est des bandes continues. Parce qu'il y a eu le passage. Enfin, moi, je pense qu'il y a eu le départ. Il y a eu Barberouge et la légalisation. Et puis après, il y a eu un creux. Moi, je pense bouffé par cette légalisation et tout ça. Et donc, il y a eu la mise en place ou entre guillemets la pseudo-institutionnalisation qui a fait partir plein de gens aussi. Où les gens ont fait autre chose parce que quand même, Barberouge, c'était quand même des bagarres. C'était pas toujours génial quand même. Le début, là, à vivre. Le début, c'était un peu comme ça quand même. Hein. Oui. C'était souvent. Des grands débats qui duraient longtemps, mais pour la couleur de la peinture, pas spécialement pour des trucs. Mais en plus, si je me souviens bien, en même temps, la grille n'était pas très pleine, mais en plus, moi je pense qu'il y avait l'effet aussi, la victoire de la gauche. Donc pendant un moment, il y a quand même une démobilisation assez flagrante, comme on le voit d'ailleurs pour d'autres choses, pour les syndicats, enseignants, tout ça qui ont tout lâché, parce qu'à 80... On devait changer le monde, donc. Et effectivement, alors, on a eu un retour. Alors, on va sauter quelques années, parce que ces années, elles étaient un peu floues. Enfin, pour moi, je veux dire, à la limite, j'avais l'impression que la radio était libre d'y faire ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait très, très peu de gens pour gérer quoi que ce soit. Donc, il y avait un son qui était assez moyen, quoi, qui ressemblait à FIT, quoi. Comme ça. Le matériel, c'était assez léger aussi. Au niveau matériel, c'était léger. Puis il y avait une gestion qui était, je ne sais pas trop ce qui se faisait. Et puis, bon, voilà. Et donc, on a eu un sursaut, là, 86 au secours, la droite revient. Mais enfin, bon, qui a été vraiment un flop, quand même. Je ne peux pas exagérer non plus. C'était pas grandiose. Et c'était déjà un moment où il me semble qu'il y avait quand même beaucoup moins d'émissions militantes, enfin, pas militantes, plutôt qui collaient à des groupes, enfin, je dirais pas partis, mais enfin, qui étaient un peu, ou même syndical. Enfin, il y avait encore tout ce tissu-là, qui a disparu après, quelques années plus tard. Quoi. avec des émissions militantes au sens fort du terme. C'est-à-dire là, on parle, Ce que je disais, c'était lié aux luttes à une époque, je disais Barberouge quand même, quand c'était une radio, parce qu'elle était liée aux luttes, Golfèche, la prison, enfin il y avait tous ces trucs-là. On sait quand même, il y a eu quand même une émission mythique à Canal Sud et qui était quand même dès le début, il me semble, de Canal Sud. C'était Transmuraille Express, qui durait 4 heures le dimanche par rapport à la prison. Et il y avait tout un monde, toute une équipe. Donc il y avait des énergies qui pouvaient être concentrées sur une chose. Qui me disait qu'il y avait des tollards qui enregistraient des cassettes, qui les arrivaient à faire passer au parloir que vous diffusiez. Tout à fait. Ah oui, c'était... Et c'était... Bon, par contre, c'était épuisant, et donc ils ont tenu quelques années, et puis c'est pareil aussi, c'était trop... Quand même, c'était trop, hein, c'était 4 heures à durer l'émission. Oui, c'était ça. Mais il y a eu plein de choses comme ça. Bon, après les émissions féministes, je dis, ben, en effet, il y avait des groupes femmes qui se réunissaient, qui discutaient, puis qui disaient, on fait une émission à Canal Sud. C'était évident que, comme on dit, ça ne se posait pas la question. Canal Sud... Ça répondait, et moi je trouve qu'on l'a sauvé encore ce truc-là, c'est que bon, ben, si j'ai quelque chose à faire et à dire, bon, c'est à moi Canal Sud, et je peux venir et faire quelque chose. Et ça, ça existait. Alors après, en effet, c'est pour ça que ça suivait le mouvement social, c'est-à-dire que quand il y avait un flop, un creux, il n'y avait plus grand-chose, où il y a eu des grilles des fois, où c'était que de la musique, toutes les émissions, entre guillemets, politiques avaient disparu. Ça revient. Ça revient, mais moins dans le sens où on en discutait, c'est-à-dire que Canal Sud comme un média à utiliser au moment où on en a besoin. Quoi. Ouais. Alors en fait, maintenant, on n'est plus sur ce registre. S'il y a une contestation étudiante, ils ne viennent pas ici. Quoi. Alors qu'avant, ils vont à M6 à Toulouse, et c'est ça qu'ils veulent. Quoi. Une minute, mais une minute que tout le monde va voir. Tandis que nous, c'est une heure que peut-être pas beaucoup de gens vont entendre. Donc, c'est la modernité, hein, je veux dire, bon, c'est pas, on y fait. C'est vrai que ça, c'est relativement récent, 5-6 ans, c'est tout d'un coup, il n'y a plus, alors que les mouvements étudiants se passaient ici très souvent. Mais les assemblées générales étaient là. Voilà. Les collectifs contre la guerre en Irak, l'adresse était à Canal Sud, et les collectifs de toute la région se réunissaient à Canal Sud, sans faire forcément une émission. Hein. Voilà, donc il y avait cette habitude d'utiliser un peu le... Bon, ça c'est perdu, quoi, ça c'est vraiment perdu. C'est pas... Ça reviendra peut-être. Je veux dire, c'est pas très important. En tant que tel, nous, on n'a pas changé. C'est pas parce qu'on a décidé de s'enfermer ou de décider qu'il faudrait demander montrer patte blanche. Donc, dès que quelqu'un demande la salle, il l'a, hein, de fait, pour faire une réunion. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il soit calme aussi. Aussi, je dis, il reste toujours la charte de Canal Sud. Et Canal Sud reste une radio, entre guillemets, on dira engagée, dans le sens qu'en effet. Il y a des intolérances, il y a des gens qui ne sont pas tolérés à Canal Sud, quoi. Je veux dire, ça c'est clair que, et dans cette charte, bon, on a mis des principes qui sont assez généraux de tout le monde, quoi. Pas de propos racistes, sexistes, qu'est-ce qu'on a mis, je sais plus. Et puis après, nous, on se protège. Antifascistes, ouais, à l'époque, ouais. Quoi. Et aussi... Pas de propos fascistes. Pas antifascistes. on se protège aussi de la politique politicienne. Alors, d'une certaine façon, c'est qu'on pense que, comme ils parlent dans toutes les autres radios, c'est peut-être pas nécessaire de leur ouvrir les radios, les micros de Canal Sud. Donc, on parle beaucoup, on peut parler de politique, on a la liberté de la parole, mais quant à faire venir des élus, etc., d'abord, parce que quand on en fait venir un, tous les autres auraient le droit de venir là. Et au début, moi, c'est quand même un peu chiant de me tenir à bout de bras une radio associative, bénévole et tout, pour que des gens qu'on ne peut pas piffrer puissent venir cracher dans le micro. Donc, tant qu'à faire, que personne vienne, et nous, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Quoi. Donc, on ne voit pas qui on aimerait inviter. En fait. C'est surtout ça le problème. Mais en plus... Bon, il y en a qu'on voudrait pas du tout, et puis les autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, bon, par exemple, pour le traitement des élections, bon, on est complètement hors du coup. Quoi. La seule chose qu'on contrôle, c'est que quelques émissions ne disent pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on leur explique que, bon, il faut faire attention, parce que les droits de réponse, ça existe, tout ça, bon, mais... Mais il y a très peu de gens qui dérogent à la règle, hein. On est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Là. C'est vrai que les élections, par exemple, on passe complètement à travers. Donc, c'est pas l'événement social qui va bouleverser les choses, donc voilà. On a au moins produit un concept philosophique très important, celui de rito. Et la ritournelle, rito. Et la ritournelle, c'est pour moi, c'est ce point. La ritournelle. La ritournelle. La ritournelle. La ritournelle. La ritournelle. s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Mettons, la ritournelle, c'est un petit air. Tralala, la la, tralala, la la. Quand est-ce que je dis tralala, tralala? Je fais de la philosophie. Là, tralala, tralala. Je chantonne. Tralala, tralala, tralala. Je chante. Quand est-ce que je chante? Je fais de la philosophie. Je fais de la philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une communauté entre une chanson populaire et un chef-d'œuvre musical? Une chanson populaire. Claude François, parce que j'ai cru y voir, à tout avoir raison, là, je ne sais pas, j'ai cru voir que Claude François apportait aussi quelque chose de nouveau. Claude François, moi, j'ai été sensible, d'abord, il cherchait quelque chose. Claude François, une bonne chance. Il cherchait un type de spectacle nouveau, un spectacle chanson. Il invente cette espèce de chanson dansée, ce qui implique évidemment le playback. Tant pis, mais enfin, autant mieux, ça lui permet de faire des recherches sonores aussi. Et jusqu'au bout, il n'était pas content au moins d'une chose, parce que ces textes, c'était d'une bêtise, et ça compte quand même dans la chanson. Les textes étaient faibles. Il n'a pas cessé d'essayer d'arranger ses textes et d'arriver à des qualités de textes plus grandes, comme Alexandre et Alexandra, qui est une bonne chanson. Et voilà, c'est comme ça que vous entendrez Gilles Deleuze si vous écoutez une émission de poésie sonore de Bernard, ou bien la musique qu'il prépare pour la nuit sur Canal Sud. Puisque l'objectif, comme il me l'a dit, c'est de tout radicaliser, musique et politique. Mais vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans l'intempestive, et on continue à parler de l'histoire de Canal Sud, avec Chantal, Bernard et un animateur de l'émission Brut Tôle. Tralala, la la, tralala, la la. Comment est-ce que vous vous êtes organisé au début? Est-ce qu'il y avait des salariés directement au début, ou est-ce que vous avez fait un choix d'autogestion? Comment ça s'est constitué, en fait? De toute façon, au départ, on a toujours refusé le statut salarié temps plein, le principe du journalisme, etc. Donc ça, c'est clair. Par contre, ce qu'il y a eu, comme toutes les associations, c'est des emplois aidés. Alors, dans le sens qu'on savait que ces emplois étaient temporaires et que ça tournait. Et en fait, des gens pouvaient être à Canal Sud. Un jour, ils étaient alors les fameux TUC, SS, etc. Mais les années d'après, ils venaient bénévolement. Ils vivaient leur vie, quoi. Effet, on a échappé au mythe et à la réalité, d'ailleurs, du fondateur, créateur, salarié, PDG, qu'on voit dans plein de radios associatives. Oui, on a eu un peu tout ce que... Oui, objecteur de conscience, avec tous ces trucs qu'on pouvait avoir. Oui, voilà, on a utilisé tout ça. Avec quand même un débat perpétuel, je veux dire perpétuel là-dessus, où certains, dont moi, je pense, Chantal ou Saoud, on se dit, on n'a pas besoin de salariés. Si on a besoin de salariés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bon, on garde cette position. Bon, on est rentré dans le rang aussi, parce que bon, on n'est pas majoritaire. Bon, c'est peut-être pas un vrai débat aussi non plus. Mais quand même, à chaque fois qu'on a des poussées un peu de gestion un peu qui ressemblerait à une sorte de gestion patronale, on dit bon, si ça commence à partir dans ce sens, laissons tomber les salariés, quoi. Si on commence à exiger tout un tas de choses, laissons tomber, ils ne sont pas bien payés, c'est des emplois précaires, donc on avait toujours cette position en se disant, et puis ceux qui font, on peut le faire. Enfin, on pourrait le faire. Maintenant, bon, c'est un raisonnement qui est un peu outré, quoi, parce qu'effectivement... Bon, faut préciser aussi pourquoi on a des salariés, qu'est-ce qu'ils font. Oui. C'est pas, on n'a pas de salariés, on n'a pas la secrétaire, l'accueil et le ménage. Les salariés font de la radio. Oui, voilà. Donc, ne font que, c'est-à-dire qu'ils font le lien, et on trouve que c'était intéressant, des informations locales. Donc, tout ce que la radio reçoit, etc., c'est ça, ce qu'on appelle le magazine. Et donc, les salariés, entre guillemets, sont là pour cette permanence de midi 2 du magazine, du lundi au vendredi, quoi. Et ça permet... Le magazine, tu peux préciser ce que c'est? C'est un magazine d'information, donc information culturelle, information avec des invités, etc. C'est des gens de l'extérieur, du mouvement social ou de la vie, qui téléphonent et qui veulent passer à Canal Sud. Alors, soit ils ont des contacts avec une émission précise, ils passent dans leur émission, mais sinon, là, ça, c'est... alors, est-ce que c'est la vitrine de Canal Sud? Nous, on n'a aucune prétention à ça. C'est la vitrine de ceux qui la font. Hein. C'est eux qui la font. Hein. Oui. Voilà. Et ça tourne tous les 2 ans, 3 ans, c'est jamais les mêmes. Mmh. Et ça, on pense que c'est bien aussi, ce principe-là. On essaie quand même de garder un semblant de ligne éditoriale, mais bon... Ce serait quoi la ligne éditoriale justement de Canal Sud? Ben, ce serait, oh, ce serait, de ne pas faire ce qui se fait. Ouais, ce serait essentiellement, oui, ce serait essentiellement à partir des invités, des acteurs de la vie sociale, politique, enfin politique, bon, allons-y mollo, en tout cas, de la vie. Politicienne, pas politicienne, voilà, ça de c'est la vie clair. Sociale en général, ou de la vie culturelle, qui viennent simplement s'exprimer là-dedans. Ici, hein, je veux dire, c'est relativement simple. Bien entendu, en plus, en ayant plutôt une pensée vers les mouvements alternatifs, quand même, tous ceux qui passent par ailleurs, quoi. En fait, c'est plutôt ça notre idée. Et en plus que les gens viennent parler d'eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est très important. Et il y a personne qui est payé pour parler de quelqu'un d'autre ou qui va. Ouais. Ça, c'est aussi important d'avoir gardé ce système de parole directe, quand même, moi, il me semble. Oui, voilà. Bon, c'est, bah, oui, après, quand la ligne est éditoriale, il faut y aller mollo. C'est plutôt une forme de magazine qu'on aimerait entendre. C'est pas toujours le cas. Bon, enfin, on comprend aussi que c'est pas si simple que ça à faire, tous les jours, et puis bon... En plus, ça vous fait savoir, les radios sont sollicitées par plein de gens qui, eux, veulent consommer de la radio, veulent passer, et parfois, en effet, il faut une sacrée vigilance. Hein. On a eu des exemples comme ça, où les gens, ils avaient bien tout rapport, après on se pensait, ben non, on ne veut pas en faire la promotion à Canal Sud, quoi. Il y a quand même des choses... dans la société qu'on refuse, et c'est important, quoi. Que ce soit les sectes, que ce soit les religions, que ce soit les politiciens, les politicards, qui eux ont quelque chose à vendre, ont un intérêt. Or c'est ça qu'on dit, nous, c'est parole directe, l'intérêt il est immédiat, en direct, quoi. Bon, maintenant quand même, toujours pareil, c'est une ligne dure, hein, là. Par après, hasard, tu écoutes la radio demain matin vers 9h. Voilà. Tu entendras quelque chose de beaucoup plus mou. Et qui... Bon, parce que de temps en temps, on ne maîtrise pas tout. Et puis de toute façon, bon, on ne peut pas rentrer en conflit sans arrêt avec tout le monde. Mais parce que j'ai expliqué le système de corruption. Les gens arrivent, veulent faire une émission à Canal Sud, se présentent et tout. Bon, nous, c'est collectif. Il y a une perception. Et puis après, l'émission se déroule. Et puis au bout d'un an, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi, etc. Bon. Alors, soit vraiment, ça ne va pas du tout. Et comme il y a des réunions tous les mois, collectivement, on peut dire non, mais il faut qu'il arrête, c'est pas possible sur les ondes de Canal Sud. Par contre, bah, parfois, c'est voilà. Est-ce que vous pouvez parler justement de la grille de l'antenne, comment elle s'est structurée au départ, quel type d'émission il y avait, et puis quelle évolution elle a connue éventuellement? L'évolution, c'était les gens qui géraient la radio, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, comment ça s'est fait. Il y a eu quelques oppositions à un moment donné, par exemple, il y a une équipe qui voulait faire une ligne éditoriale, qui voulait faire une grille et qui disait que de telle heure à telle heure on écoute du jazz et de telle heure à telle heure on écoute du texte et de telle heure à telle heure ceci. Bon. Et alors ça a bagarré parce que comme c'est toujours resté associatif et cette équipe-là est partie, a perdu. Hein. Donc on a dit... C'est là où on est entré. Enfin, oui, à peu près. Moi j'étais déjà parce que je participais à des émissions féministes. C'est le moment où est apparu un peu la nouvelle équipe, enfin bon, qui est là depuis maintenant tellement longtemps. Mais qui était concerné, par exemple, parce qu'on leur disait, bah, votre émission, elle va aller dans tel créneau. Et ils disaient, oh, elle n'est pas touche mon émission. Oui, il y avait ça, et puis il y avait l'idée aussi que, entre le discours politique qu'on entendait à la radio et ce qu'on entendait musicalement, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, et qui était un peu trop mou, quoi, un peu trop consensuel, un peu trop simple, qui ressemblait beaucoup à FIC, par exemple, parce que c'était notre... Ça, c'était les trucs d'animation. Et donc, ce qui fait que, bon, oui, enfin, l'animation, et puis même tout l'environnement musical, tout ça, qui était un peu... Donc, bon, on a essayé aussi de se battre là-dessus, c'est-à-dire, enfin, de discuter là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait peut-être des choses à faire qui prendraient l'auditeur peut-être à contre-pied, mais enfin, bon, il faudrait qu'il fasse avec, quoi. Ouais, c'est-à-dire, je crois, c'était les émissions musicales où vous trouviez qu'il n'y avait pas forcément... Non, les émissions musicales, elles n'étaient pas spécialement à discuter, quoi. C'était surtout l'habillage de tout ça, quoi. Il fallait que ça soit consensuel. Voilà. En fait, suite presque à la légalisation... ça faisait pas de vague, quoi, presque. Et il y avait toute une équipe qui voulait gérer soft d'une façon et en disant, mais non, il faut en effet continuer sur des contre-musiques, des contre-textes, je sais pas comment dire, autre chose, quoi. Et en effet, l'auditeur, ça lui plaît pas, c'est ce que je disais, la grille de Canal Sud, elle est pas écoutable 24 heures sur 24, fort heureusement, il faut tourner le bouton, quoi, et ça sert à ça. Sinon, mais donc après, est resté le principe d'une grille non rigide, donc pas de telle heure à telle heure le jazz, etc. C'est pas forcé que le résultat était extraordinaire, plus patchwork, mais au moins laisser à disposition cet outil radio. Les gens viennent, veulent faire une émission sur ceci, il faut qu'ils connaissent ce dont ils parlent, et puis ils y vont, quoi, parce que ça leur plaît. Ça, c'est important, ça. Et après, c'est vrai que, quand même, c'était un principe, même dès le départ, c'est que Canal Sud ne s'est jamais abonné à des programmes musicaux, puisqu'à un moment donné, ça se faisait, pour faire le 24 heures sur 24, on allait, même de l'alternative, mais on allait prendre ailleurs, quoi. Et à un moment donné, même cette équipe rigide n'était pas loin de le vouloir le faire, quoi. Hein, c'est tellement bien ce qui se passe. Et alors, non, c'est tout fait maison, quoi. Et ça, c'est toujours resté tout fait maison. Donc, tous les sons qui passent sur Canal Sud sont faits maison. Ouais. D'accord. Donc, les montages, tout fait maison. Et la grille a évolué petit à petit en fonction de ces critères-là. Voilà. Et alors aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous pourriez décrire un peu les différentes émissions qu'il y a sur la grille ? Il y a une partie d'émissions, donc les émissions musicales que je qualifierait de musical, et à l'intérieur de cette grille, donc de cette thématique musicale, on a essentiellement des émissions qui sont très très pointues, quoi. Donc on a des amateurs de musique pure et simple qui vont écouter un type de musique et qui vont faire une émission là-dessus. Alors ça peut être le blues, le rock garage, le rock des années 50, le jazz ou la musique contemporaine, on va voir ça, mais on va écouter que ça là, dans ces émissions. Donc en fait, effectivement, c'est des émissions qui drainent un public propre à leurs émissions. Hein. Après, on a un certain nombre d'émissions j'aurais du mal à qualifier, qui traitent de diverses de thématiques. Bon, on pourrait y mettre Esperanto Magazino, je sais pas, des trucs comme La Centrifugeuse, qui est quand même un truc qui est de l'ordre du magazine musical, mais un peu plus en vraiment travaillant sur les labels indépendants, des choses comme ça. Bon, effectivement, Bruit de Tôle, par exemple, aussi. Hein, mais je veux dire, tout ça, c'est un ensemble d'émissions, d'informations. Alors, on en a... C'est pas la majorité des émissions de Canal Sud. La majorité, c'est des émissions musicales, en grande partie. Plus une partie du samedi et du dimanche, qui est plutôt branchée sur les communautés, enfin, si on peut employer ce mot. Donc, émissions africaines, antillaises, réunionnaises, etc., etc. Alors, avec quelques particularités, c'est qu'effectivement, à partir de minuit, on avait beaucoup d'émissions assez bavardes, littéraires, avec des musiques industrielles, en fait, tout ça. Bon, il en reste deux, trois qui traînent par-ci, par-là. Et de toute façon, la nuit est plutôt comme ça. Donc, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais c'est vrai que c'est une grille qui, aujourd'hui... Enfin, bon, à mon sens, elle est plutôt musicale dans son... dans la majorité des thèmes, mais malgré tout, c'est quand même des émissions musicales, mais bavardes. Et toutes les émissions musicales en général sont très pointues, donc très documentées, donc vont passer des choses très particulières, et on s'est rendu compte, alors là c'est avec Internet, qu'il y a des émissions qui sont écoutées un peu partout en France, et qui sont avec un style musical très branché, quoi. Un truc comme ça. Alors après, sur la grille, elle n'est pas construite en tant que telle. Hein. Je veux dire, elle s'est posée comme ça, mais on voit quand même qu'il y a une certaine logique. Hein. Est-ce que vous travaillez avec d'autres radios, vous faites des échanges, des trucs comme ça ? Pas beaucoup. Au magazine ? Hein ? Au magazine. Au magazine, ouais. Nous, pas beaucoup, non. Enfin bon, effectivement, pour diverses raisons, on participe à l'EPRA, hein, parce que ça rapporte un peu de sous. L'EPRA, donc, c'est une bourse d'échange de programmes sur le thème de l'immigration. Voilà. Mais après, on a une émission de Radio Primitive de Reims qui est Grégor, donc qui est plus ou moins apparenté au courant alternatif. Et non. Enfin bon, je dirais non, mais en fait, je sais pas trop. Ça dépend, parce qu'on a aussi des émissions qui passent aussi dans d'autres radios. Comme Voyelle qui passe à FPP. Voilà, oui. Ou comme H1000, ou comme les anachroniques. Oui, qui sont quand même programme. Alors c'est pas vendu, mais c'est quand même des gens qui font des programmes et qui les font passer à la radio. Alors par ailleurs, ils s'en sortent certainement avec des droits d'auteur, ou l'Assassin, ou Scam, enfin, je sais pas. C'est un peu compliqué tout ça. Alors bien entendu, au niveau de Midi-Pyrénées, il a été monté un serveur, FTP, d'échange de programmes, mais il a du mal à fonctionner. Quoi. Ah ouais. Il a du mal à fonctionner, il a du mal à démarrer surtout. Bah, techniquement, on n'arrive pas à y foutre nos programmes. Ah bon, d'accord. On a essayé plein de fois et on n'y arrive pas. Il y a des problèmes techniques. Voilà. Alors après, effectivement, moi je pense qu'on pourrait très facilement se mettre à essayer de... d'augmenter en tout cas ces échanges, parce qu'avec Internet, tout ça devient particulièrement facile. Mais quand même, après, c'est où on va les passer, quoi. Parce que finalement, je crois que toutes les radios qui sont un peu actives, elles n'ont pas de place, quoi. Enfin, c'est pour ça que je disais au magazine d'actualité, on va souvent chercher des sujets qu'on va chercher ou sur Zenzine ou sur Paris Fréquence Plurielle ou même sur des radios qu'on trouve que sur Internet. Tout à l'heure, tu me parlais aussi autour de Brutal, du projet un peu aussi de... Parce que les émissions sur la prison, il y en a dans pas mal de radios en France. Il y en a 5, à ma connaissance. Ah oui. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route longtemps. Il y en a une à Lille, il y en a une à Valence, et, qui est une fois par mois. Il y en a une qui doit redémarrer à Nantes. Alors, je ne sais pas si elle a redémarré ou pas. Il y en a une à Rennes. Il y en a une à Paris, donc chez vous. Et il y en a une ici. Voilà. Mais là, ça s'était un peu plus structuré autour de ces émissions. Il y avait eu des échanges, les gens se sont rencontrés qui faisaient ces émissions. Il y a eu une coordination des émissions de radio. Et puis, ça fait 2 ans qu'on ne se voit plus, qu'on ne se fait plus de réunions régulières. Et ça donnait quoi cette coordination? C'était à quelle époque et ça, concrètement, au moment ça où il y avait plein de radios, enfin, ou des gens qui avaient en France des velléités, ça correspondait à un moment où il y avait plus de gens qui se retrouvaient au trou, hein, avec le durcissement des lois. Et donc il y a plein de gens qui avaient envie de faire des émissions anticarcérales un peu partout. Et du coup on s'était dit pourquoi on ne se verrait pas pour s'échanger nos programmes. Donc effectivement on s'échange nos programmes artisanalement, on s'envoie par la poste des CD de ce qu'on a fait. Là maintenant nous on commence à voir sur internet, donc ça va. Mais c'est de l'échange un peu coup par coup, quoi. Ah, et puis il y a une radio une émission à Marseille aussi, j'avais oublié. Sur Radio Galère. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, que la police ne veut pas voir, que la police ne veut pas voir. On entend alors clamer, on entend alors clamer, on entend alors clamer. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, que la police ne veut pas voir, que la police ne veut pas voir. On entend alors clamer, on entend alors clamer, on entend alors clamer. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, que la police ne veut pas voir. Ça devenait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes quantités de CRS, la BAC, c'était l'état de siège en permanence, donc ça pouvait pas durer. Donc le préfet a dit, bon ça va maintenant, arrêtez-moi quelques galapias et on va voir ce qu'on peut faire. Mais... Conçu dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré, véritable petite ville qui rend tous 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle. Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Ils s'empilent pour former des murs de béton et de lucarnes. En 1970, il y aura probablement à Sarcelles près de 100 000 habitants, deux fois la population de Besançon. Or, ces villes n'ont pas été faites pour supporter un tel accroissement. Il serait souhaitable que l'anarchie des bidonvilles fût remplacée par autre chose que par l'ordre de ces cités de relogement, si semblables à ces camps où certains pays racistes logent leurs travailleurs. Quand il y a eu le blocus des CRS du quartier, oui, j'étais choquée, oui. Des CRS à tous les feux, des contrôles de papier, pas pour moi. J'assistais de loin, donc voir des escadrons de CRS à 5h de l'après-midi un feu, armés de flashballs et casqués, oui, ça choque, ouais. Ça choque. Voilà ce genre de montage que vous entendrez en écoutant l'émission Smash Media, l'émission d'Indie Media Toulouse, sur Canal Sud. Puisqu'on poursuit aujourd'hui dans l'intempestif sur fréquence Paris Pluriel, l'histoire de la radio Canal Sud et son organisation, avec Bernard, Chantal et un animateur de l'émission Brutal. Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Est-ce que la radio, est-ce qu'il y a eu des menaces sur la fréquence de Canal Sud? Est-ce que la radio a connu elle-même des luttes pour continuer à exister? Des menaces? Ouais. Non, personne n'oserait le faire. Non. Non, enfin, de véritables menaces, non, bon, à part si on stresse à chaque fois qu'on fait un dossier, bon, je veux dire, c'est pas tellement, non, de véritables moments où on a eu des problèmes avec les gendarmes, ou je sais pas quoi, enfin, à certains moments, surtout au niveau de la guerre, des collectifs contre la guerre, quoi, puisqu'ils mettaient l'adresse ici, puisque c'était, il fallait pas en parler, ou je sais pas, donc on avait souvent des, mais je veux dire, bon, c'est pas des menaces, quoi, c'est de la routine. C'est-à-dire, il vient, il demande, voilà, bon. Non, et après, pour la fréquence elle-même, non, enfin, jamais, à chaque fois, on peut toujours s'interroger, qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière. Avec les radios numériques, au moins, on a compris, c'est pas un problème, mais jusqu'à maintenant, non, c'était simplement Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on perde la fréquence? Alors, comme on n'en avait aucune raison, on n'a jamais même pensé à ça, quoi. Je veux dire, c'est pour... Il n'y avait pas eu des moments de précarité Si, bien sûr. S'il y a des moments, il y a eu toujours des retards de subventions, des trucs comme ça. Et puis bon. Mais bon, je ne sais pas, à la limite, de temps en temps, c'était presque, on se disait, bon, si ça pouvait arriver comme ça, on essaierait de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, c'est parce que ça manque un peu de sel, quoi. Parce qu'une fois, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut admettre qu'on s'est habitué à toucher 40 000 euros, je ne sais pas combien, par an. Enfin bon, et, voilà. Et petit à petit, bon, c'est un peu de la routine quand même. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un moment, ce dont on se plaint, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de participation des autres, vient de ce fait que tout marche bien, quoi. Donc, comme tout marche bien, on a tendance plutôt à se transformer en consommateur que en acteur, quoi. Ouais, ouais. Donc ils sont acteurs dans leur émission, hein. Là il n'y a pas de problème, si on venait leur dire quoi que ce soit, ils nous mangeraient, mais par contre ils sont beaucoup moins acteurs de l'association. Donc une assemblée générale ici, c'est quand même il n'y a pas la moitié des gens qui viennent, hein. Ouais, ce qui change pas mal au moment des Radio Pirates, c'était plus des très petites équipes, mais qui faisaient tout, quoi, qui tenaient, oui, à la fois à cet outil collectif et qui faisaient les émissions et tout ça. C'est-à-dire, je me rappelle des assemblées générales ici, en tout cas au début, où il y avait toutes les émissions. Et de toute façon, en plus, ça n'aurait pas pu être... Enfin, je pense que ça n'aurait pas été toléré qu'on vienne pas. Mmh. Voilà, en plus, hein. Mmh. Parce que sinon, là, on se serait fait engueuler. Donc, on a vraiment dérivé complètement, quoi. D'un moment où... Et d'ailleurs, les CA, là, on est très péniblement 7. Et à cette époque-là, on était 15. Avec le représentant des associations, le représentant des salariés, le représentant de... Enfin, là, avec des représentants de partout. Même de gens qui ne faisaient pas d'émission ici, quoi. Et... C'était plus vivant, effectivement, et on discutait beaucoup de projets aussi, alors que là on discute de gestion et que c'est chiant comme tout, quoi. Mmh. On n'a plus le temps de discuter de quoi que ce soit de très général sur la radio. Bon, il faut dire aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire, j'en sais rien. Mais ça me plaisait bien de m'engueuler avec sur le contenu, quoi, lui-même. Ouais, c'est-à-dire que la reconnaissance de 83 des radios, elle nous a un peu piégés, quoi. Dans une certaine mesure, dans une certaine mesure. On est un peu pris par... et puis en plus, bon, après je parle du délitement général, du contexte associatif et tout ça, qui fait que bon, on peut se plaindre qu'ici les gens viennent consommer, utiliser de la radio, et puis bon, mais il y a plein d'associations qui fonctionnent comme ça aussi, hein, et même des syndicats. Sinon, par rapport aux menaces, moi je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de diffamation, de plainte, en tout cas pas récente. Si, il y a eu des plaintes, mais qui ont été plus ou moins... Sans suite, parce que bon, après c'est très compliqué à aller faire ça. Sinon, il y a eu des plaintes pour une émission du cirque, je crois, à un moment, enfin des trucs de ce style. Tu peux expliquer? C'est le je pourrais pas dire le nom, mais le cannabis, c'est, voilà. Ouais, c'est ça, les études cannabiques en tout cas. Ouais. Ils sont sur Radio Galère d'ailleurs. Oui, bon, ils étaient un peu. Il y a une époque, ils étaient assez plus actifs peut-être qu'aujourd'hui, ils étaient un peu présents sur toutes les radios, et là ils faisaient quelque chose qui était autour de. Je dirais de la toxicomanie, comme ça va aller vite, mais avec les effets positifs, en posant certaines questions, bon, qui étaient intéressantes sur le cannabis, et puis après sur les drogues plus dures, ou les médicaments qu'on utilise dans les fêtes techno, tout ça, bon, qui était peut-être un peu plus, où il y avait une information là-dessus, quoi. Donc c'était intéressant, hein, je veux dire. Donc il y a quand même quelqu'un qui a écouté ça, et qui est venu... Voilà, alors de temps en temps, on peut avoir des petits trucs, mais ça, c'est les aléas de la radio de tous les jours. On peut pas dire qu'on soit particulièrement embêté, non. Je le vois pas trop comme ça, quoi. Bon, en même temps, on est relativement sage, je veux dire, c'est pas... Bien entendu, si tu veux, bon, dans les anecdotes, on a plein de petits problèmes. On avait une association de... Enfin, un IME qui est juste à côté, qui s'occupe de sourds. Et il se trouve que dans les casques, il y avait des petits résidus de Canal Sud pour les sourds. Donc on a eu un procès avec ce truc, parce qu'il y avait, je sais pas comment on appelle ça, enfin des petits parasites en tout cas. Donc voilà, bon, c'est des trucs qu'on a réglés à l'amiable relativement simplement. C'est pas, il n'y a pas de choses très, très fortes, mais en tout cas il n'y a pas de pression politique. Mais bon, comme on est complètement en dehors de toute alliance ou même sympathie politique, on ne peut pas avoir de pression particulière. Ouais. Ou alors après, on désire nous éliminer, mais ça, bon, jusqu'à preuve du contraire. Là, vous vous autodiffusez actuellement, oui. Vous êtes autonome aussi, ouais, sur la diffusion, Alors, il y a une syndication du site, autour de Radio Occitanie, qui est une radio associative. Donc, on a les metteurs là-bas. Et bon, jusqu'à l'interdiction définitive de la FM, je veux dire, bon, on sera là, quoi. Et le passage à la radio numérique, alors, tu le vois comment, justement ? Il n'y a rien à voir, quoi. C'est surtout ça le problème, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est une élimination pure et simple des radios associatives. Alors, bien entendu, il en restera toujours, pour faire le pendant, certainement des plus riches, les plus commerciales, celles qui ont beaucoup de pubs, tout ça. Bon, pour nous, rien que le coût, je ne me rappelle plus, c'est 20 000, hein, ou entre 17 000 et 20 000 euros de coûts annuels supplémentaires, on voit tout de suite qu'on est éliminé, quoi. En plus, sans compter que, bon, moi, j'aime bien les révolutions technologiques de temps en temps, enfin, bon, encore que j'y vais mollo, mais à condition que ce soit meilleur. Mais là, on est en plus dans un truc, on n'est même pas sûr que la qualité soit bonne, on ne sait même pas si la radio traversera les murs. Enfin, je veux dire, c'est du délire complet, on est face à un truc. Alors en plus, ce que j'aime bien, c'est l'effet d'annonce, c'est-à-dire que personne n'est au courant, et notamment pas les utilisateurs qui doivent changer à peu près 6 tunaires dans les quelques années à venir. Et puis, effectivement, on perd la maîtrise de la diffusion, et ça pour moi, c'est très important. Enfin, c'est peut-être le plus important, d'ailleurs. Parce qu'à tout moment, là, il suffira qu'on n'ait pas payé une facture, qu'on n'ait pas fait ceci, qu'on n'ait pas fait ce qu'on voulait, et crac, on nous coupe le sifflet. C'est vrai que c'est facile de nous couper le sifflet aujourd'hui. Si on a vraiment envie, bon, on coupe. Mais quand même, on porte atteinte à notre matériel, là, quand même. Donc il faudra justifier plus fortement que simplement parce qu'on a oublié de payer une facture. Et je pense qu'on va... En plus, le multiplexage, tout ça, ça m'a l'air un truc très compliqué. On ne sait pas avec qui on sera. Enfin bon, et on sent tout de suite que ça va mal tourner, quoi. Enfin, après, bien entendu, je suis comme vous par rapport à ça. On sait très bien que c'est des critères commerciaux qui mettent en place ces trucs. Je pense quand même qu'en même temps, en mettant le numérique, on en profite pour éliminer quand même quelque chose. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment visé, malgré tout. Je pense qu'on est une quantité négligeable, mais... On nous élimine, après tout, c'est pas si mal. C'est un dégât collatéral, mais bon, qui intéressera bien quelqu'un. Mais en tant que tel, je pense pas que c'était le projet premier. Le projet premier est un projet économique complètement débile, comme on en a plein, quoi. C'est-à-dire qu'il manquait des radios pour les... Il manquait un service pour les portables, on a trouvé celui-là, quoi. Alors que, bon, on sait très bien que ceux qui ont des portables, enfin bon... Il y en a peut-être un. TF1 n'avait pas encore ses radios. Et voilà. Donc c'était tout d'un coup, on se disait, bon, toutes les radios commerciales, moi ça ne me dérangeait pas qu'elles émettent en numérique. De toute façon, pour les téléphones portables ou pour ce qu'on veut, ça m'est égal. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on était obligé de prendre toute la bande FM d'éliminer toute la bande FM pour ça. Nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on nous laisse tranquille. Hein. On veut garder la même chose. Point. On ne discute pas d'autre chose, on veut garder la même chose. Alors, par ailleurs, bon, comme on est une radio en débat, c'est vrai que on a eu envie à un moment de se dire, bon, on ne fait même pas le dossier, et puis bon, on a discuté, bon, certains étaient partants, et puis c'est un dossier de pure forme, quoi. C'est-à-dire qu'on a rendu le même que pour la FM, en rajoutant qu'il nous manquait 20 000 euros, quoi. Voilà, en gros, c'était pas... Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir. À mon avis, on risque d'avoir une fréquence. Hein, je veux dire, c'est pas ça le problème. Mais l'exploiter derrière. Mais l'exploiter, bon, et puis après, bon... je ne sais pas. C'est vrai qu'on pourrait penser que ça ne peut pas changer grand-chose, mais je crois quand même que ça changera. Dans l'état d'esprit, ça bougera quand même. Et c'est vrai qu'il y a eu un congrès de la CNRA, il n'y a pas très longtemps, ici, à Toulouse. Donc, on y est allé, de fait, parce que... On en fait partie par fédération régionale interposée, quoi. On n'est pas vraiment adhérent, mais enfin bon. On a rencontré des gens, c'est fort sympathique, mais on n'a pas la même réalité. On n'est pas dans cette radio, nous on est resté en 80, hein, ou peut-être même avant. On n'est pas dans un truc où on n'est pas dans la pérennisation d'emplois, on n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas en train de s'affoler parce que... Nous, il n'y a pas d'affolement parce qu'on se dit peut-être qu'on ressortira les émetteurs de 100 watts qui traînent encore dans les placards ici. Et peut-être qu'on en refera de la radio. En FM. Enfin, chez le monde, on recommencera peut-être. Alors, il n'y a pas... On est resté sur cette idée. Bon, moi, c'est vrai qu'on peut écouter la radio et on peut se dire, il délire le pauvre type, là, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on entend. Mais l'état d'esprit. Je parle de l'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est ouvert, on n'a pas de CA à pallier, on n'essaie pas de défendre notre place, tout le monde peut venir au CA, on n'a pas de, de, comment dire, oui, on n'a pas de palier en se disant oui, il faut rester 5 ans, puis après monter petit à petit. Bon, enfin, bon, on n'a pas ce genre de truc. Là, c'est assez relativement simple de faire une émission encore à Canal Sud et on accepte encore des émissions de gens qui n'ont jamais fait de radio. Donc on est resté, c'est dans ce sens que je dis, on est resté pareil, quoi. Et politiquement, on est content quand il y a quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose de politique. Oui, ouais, parce que c'est vrai que dans le milieu de. Enfin, sur les 600 radios associatives, il y en a une grosse partie déjà au niveau des financements qui ont accepté la publicité, les 20% oui, de publicité. Oui, bien entendu. Oui. Et après, derrière, elles sont aussi dans leur organisation, dans une logique de professionnalisation. Quoi. Oui, voilà, ce oui. Qui, ouais. Ce qui va complètement à l'encontre de. De cet aspect radio libre. Alors que nous, on revendique justement une amateurisation, si on pouvait le dire, mais de qualité. Après tout, finalement, au bout d'un moment, moi, ça fait 20 ans que je fais de la radio ou plus. Donc, bon, j'ai certainement une technique tout à fait éprouvée, en tout cas. Donc, c'est vrai que, bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Nous, on serait encore très contents si on avait des petits jeunes qui viennent. Enfin, bon, d'ailleurs, on les reçoit. Enfin, on a encore des émissions avec des jeunes qui ont moins de 18 ans, enfin, des trucs comme ça. Bon, on le fait. Et voilà. Et c'est ça qui compte, quoi. C'est de laisser ouvert. On a un problème parce que finalement, on n'a plus de place dans la grille. Mais on a encore des demandes d'émissions qui sont des demandes très fraîches, quoi. Moi, je crois que c'était l'esprit qu'on voulait garder. Alors, mais c'est vrai que le numérique, ça ne nous empêchera pas de faire ça. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'économiquement, on tienne le coup. Je ne suis pas sûr que ça ne nous pousse pas à faire des choix qui seraient peut-être un peu plus pénibles. Et puis, je ne sais pas trop. C'est vrai que bon, de se dire qu'on n'a plus. Que quand nos appareils vont tomber. Enfin, quand on n'entendra plus Canal Sud, on ne saura pas d'où ça vient. Parce que nous, on sait. C'est ici, l'ordinateur est tombé en panne, la table vient de disjoncter, l'émetteur, il faut aller le nettoyer, la liaison a sauté. Voilà, on a plein de causes de panne dont on peut déjà nous constater ce que c'est. Après, bon, de temps en temps, on fait venir un technicien, mais déjà, il y a tout ce petit rituel qui est sympa, quoi. Enfin, on a l'impression d'être dans les mains dans le cambouis. Là, on ne maîtrisera plus rien. Si on nous coupe, on ne saura pas, quoi. On ne saura pas s'il y a un dictateur qui s'est installé en France ou si c'était simplement une coupure de jus, quoi. Ben bon, voilà. Moi, ce qui me réconforte quand même, c'est qu'il reste une vingtaine de radios, en tout cas, qui semblent avoir gardé le même esprit, quoi. Donc, Radio Camus, Fréquence Paris Voyel, et d'autres, hein, je ne sais pas si c'est tout cela. Et c'est vrai que, bon, c'est plutôt réconfortant, parce qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux non plus. Ce qui compte, c'est qu'il y en a une dans chaque ville, ou à la campagne, et puis voilà, quoi. Ça devrait suffire. C'est vrai que c'est très très peu repérable. J'ai quand même été dans quelques villes en France, tout ça, mais des fois la bande FM est quand même un peu consternante. Ici aussi, hein. c'est pas le problème, mais on a tellement peu d'occasions d'écouter d'autres choses. Mais alors on a des trucs, enfin, qui restent encore quelques radios comme ça, des propositions. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément d'auditeurs, mais on est obligé d'avoir. Enfin, on peut poser une proposition. Et à ce moment-là, elle est disponible. Et de temps en temps, effectivement, on se rend compte que ça a un effet. Voilà. Et juste pour revenir à Canal Sud en tant que tel, est-ce que tu peux me parler de comment est-ce que Canal Sud va. Enfin, quand il y a un mouvement social, par exemple, de manière générale, quel est le rapport entre Canal Sud et ses auditeurs, et puis le rapport entre Canal Sud et dehors, quoi. Quel rapport entre l'extérieur de la radio et l'intérieur de la radio? En fait, en général, là où il se passe quelque chose, on y sera. Que ce soit à titre privé, enfin, parce qu'il y a un truc dans un squat ou un truc comme ça, ou que ce soit au titre de Canal Sud. Mais enfin, on est toujours lié à tout ce qui se passe plus ou moins sur Toulouse. Enfin, je ne dirais pas d'intéressant, en tout cas, bon, de particulier, quoi, de singulier, où personne ne va, quoi, c'est sûr. C'est surtout dans ce sens-là. Après, bon, on a des choses comme aujourd'hui, par exemple, le vernissage. Alors, il y aura du monde, il n'y aura pas du monde, j'en sais rien. Est-ce mais... que tu peux expliquer, justement On a une salle qui sert pour les réunions, donc on en a parlé, mais qui sert aussi comme salle d'exposition, quoi. Alors, effectivement, on est exactement sur les mêmes principes que la radio, quoi. C'est-à-dire, les locaux sont ouverts à qui a envie de s'autoriser à être artiste. Je veux dire, après, bon, on aime, on n'aime pas, c'est bon, c'est pas bon. Enfin, bon, on n'est plus dans ce critère-là. On est dans quelque chose de s'autoriser à poser quelque chose. Et nous, on propose. Alors, il peut y avoir des choses excellentes, des choses moins bonnes. Enfin, bon, en plus, c'est bon goût à moi. Hein, des choses de qui correspondent à des artistes plus ou moins reconnus, et on passe un bon moment à boire un coup, et puis voilà, et puis c'est là tout le mois, ça, c'est le décor de la radio, ça fait partie de notre identité, quoi. Donc c'est un truc qui dure depuis très très longtemps, mais je voulais dire aussi pour les auditeurs, il y avait aussi un phénomène un peu particulier à Canal Sud, c'est que très souvent il y a des auditeurs assez fidèles qui sont devenus en fait producteurs d'émissions, quoi. C'est une sorte de contagion, et donc qui aimaient beaucoup un truc, finalement qu'on a rencontré, bon j'en ai un certain nombre que j'ai rencontré comme ça, et qui après ont fait une émission où ont participé à la mienne, et ont fait une émission, alors comme je fais une émission littéraire mardi soir, ouais, et donc il y a par exemple des gens qui m'avaient écouté pendant très longtemps, qui sont... c'est un peu quelques obsessionnels en tout cas, et qui sont venus après, faisant partie de groupes de poésie sonore ou des trucs comme ça, sont venus dans l'émission, et puis maintenant, dans mon créneau, justement, j'ai laissé un créneau au poète sonore le premier mardi du mois, il y a un autre groupe qui fait le deuxième, bon, comme ça moi je me repose en plus. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé sur Canal Sud, t'aimerais préciser ou... Bon, je sais pas. Alors oui, il y a un travers qui est un peu embêtant. Enfin, pour moi, bon, les auditeurs ne verront pas que je commence à être âgé, quoi. Et en fait, on a peu de renouvellement. Alors, notamment en ayant une structure aussi ouverte, où finalement, on ne met pas de palier hiérarchique, on fait. Finalement, le problème, on est un peu piégé parce que ça marche bien, quoi. Enfin, même je trouve dommage, puisqu'on en a parlé un peu dans l'histoire de Canal Sud, qu'on est rentré à Canal Sud pour bousculer quelque chose. Une sorte de train-train qui était en train de se mettre en place. Donc on est rentré, on n'en voulait pas spécialement aux gens qui étaient là, hein, mais on pensait qu'on pouvait faire autre chose de la radio, quelque chose de plus efficace, ou en tout cas qui correspondait plus aux gens qui étaient là. Et moi, je regrette qu'effectivement, ils ne viennent pas nous foutre dehors, quoi. Mais sur du projet, quoi, sur quelque chose. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose à inventer d'autre au niveau de la radio. Et de ne pas rester sur notre forme ou sur notre... simplement parce que ça marche bien. Et parce que ça marchait bien, hein, la radio qu'on a bousculée dans ces années 87, quoi. Ça marchait bien, mais on trouvait que ça n'allait pas avec le discours qu'on supposait être celui de Canal Sud. Alors bon, le problème, c'est peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de discours politique alternatif qui est suffisamment fort pour nous mettre dehors, quoi. Mais voilà, ça, c'est un truc que je peux regretter vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sent pas de suite, quoi. Tu regrettes de ne pas être foutu à la porte. Un peu. Mais bousculé, foutu à la porte, ouais. Je continue. Non, mais en même temps, quand même, une chose importante pour l'ensemble des gens qui participent à la gestion de la radio, on fait tous une émission, quand même. Aussi, bon, on est resté radio, hein, je veux dire, on tient à toucher les manettes, à faire nos petits trucs, non, là-dessus, on est resté, je pense, toujours un peu passionné par ça, quoi. On voit bien que, quand même, il y a toujours quelque chose à faire au niveau politique, ou au niveau, en tout cas, d'émission, tout ça, voilà. Donc, nous, on continue, hein. Ouais. Et ben voilà, nous on continue. C'était l'histoire de Canal Sud, une radio toulousaine, racontée par Chantal, Bernard et un animateur de l'émission anticarcérale Brut Tôle. Si vous voulez écouter Canal Sud, vous avez le choix entre déménager à Toulouse et vous caler sur le 92.2 ou bien aller sur www.canalsud.net. Vous retrouverez cette émission lundi à 11h sur FPP, elle sera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.